إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Après le cours de Cheikh Mohamed l'Imam, Hafidahullah Ta'ala, qu'on a fait en deux cours et demi, on va dire peut-être presque trois cours, sur les quatre ennemis du musulman, qui avait pour titre « Oh, toi le musulman, où tu as quatre ennemis ». On fait maintenant le cours de Cheikh Abdal Bukhari, Hafidahullah Ta'ala, qui a pour titre « La taqwa, la piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application ». En arabe, « At-taqwa, haqiqatuha wa atharu tatbiqiha ». Et on commence directement le cours. Le Cheikh il dit, Hafidahullah Ta'ala, Ayyuhal Ahibba, Nahmadullah Miraran wa Tikrara, Naharan wa Layla, Anhayya Alana, Walakum Hadal Liqa, Fi Hadal Balad al-Mubarak, Fi Hadal Majid al-Mubarak, Inshallah Ta'ala. Wa Nas'alullah Jalla wa Ala, An Yubarika Lana Walakum Fi Awqatina, Wa A'malina, Wa Nyajjiya Al-Qa'imina, Min Wuzarat Shu'un Al-Dinya wa Mudiriyatiha, Umul Bawaqi, Wa Wali Al-Wilaya, Umul Bawaqi, Wa Al-Ikhwa Al-Kiram Jami'an, Khair Al-Jaza wa Awfah. وأما عن رغبة الإخوة هنا أن يختطفوني كما يقال فهذا يعني محبة زائدة ويعني نمرها كما جاءت ولا نقف عندها نعم وأنا أبادلهم حقيقة الشعور نفسه في اعتزازي بالإخوة والأبناء طلبة العلم والمحبين والحريصين على السنة شيخ الدي حفظه الله تعالى أمي بيان أمي نغمرسيون الله souvent et fréquemment nuit et jour qui nous est facilité ainsi qu'à vous cette rencontre dans ce pays béni. Pensez bien qu'il n'a pas de le cours à Nice. Hein? Il a fait le cours où? À Médine. En Algérie. Mais le cheikh est en Médine en fait. Sahih. Donc le pays béni c'est quoi? C'est un pays d'islam. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et dans cette mosquée bénie avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah qu'il nous bénisse ainsi qu'à à vous notre temps et nos actions. Et qu'il récompense les responsables du ministère des affaires religieuses. Et sa direction d'Oum al-Bawaqi, le gouverneur d'Oum al-Bawaqi, ainsi que tous les nobles frères de la meilleure et de la plus complète des récompenses. En ce qui concerne le désir des frères ici qu'il m'enlève, comme on dit, bien cela est un amour excessif. Et nous le mentionnons comme c'est venu, et nous n'y arrêtons pas. Mais moi je le retourne sincèrement le même sentiment de fierté des frères et des enfants, étudiant en sciences islamiques et étant ardent dans leur suivi de la sunna. Et puis le shérif fait une doua, il dit, nous demandons, الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجمع أجمعنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. Nous demandons à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous rassemble tous sous l'étendard du maître des messagers عليه الصلاة والسلام et guide des pieux محمد بن عبد الله que les prières et le salut, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et puis Cheikh il rentre dans le vif du sujet et il dit أيها الأحبة هذه المحاضرة أو الكليمة هي عبارة عن عنوانها حقيقة التقوى وأثر تطبيقها وهذه الكلمة العظيمة عن التقوى كثير منا لعله لا يعرف المعنى الحقيقي لها وبالتالي لا يعرف تحقيقها وما يعود عليه من نفع إن شاء الله في الأولى والآخرة. Donc ça, ici on va parler du titre et c'est important de garder tout au long du cours le titre en tête. Il dit le cheikh, cher frère, cette conférence ou cette allocution a pour titre la réalité de la piété. Hein, retenez bien ça, parce qu'on va parler de la piété, de sa réalité, Inch'Allah. Et l'effet de quoi? De sa mise en application. Il dit ce sublime mot, je veux dire taqwa, la piété. Il se peut que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas son vrai sens. D'où le but qu'on soit aujourd'hui assis ensemble pour s'entraider à connaître son sens. Et par conséquent, ne connaissent pas l'effet de sa réalisation et ce qui en découle comme bien. si Allah le permet dans le bas monde et dans l'au-delà. Cheikh, il dit après, وَمَا هِيَ هَذِي التَّقْوَى الَّتِي أَمَرَنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِهَا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَى وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ كُنَا رَبَّخْتَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ سيد سورة آل عمران البخميس سيد سورة البقرة فما دلالة كلمة حق أي حق تقاته في قوله حق تقاته وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سورة البقرة ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا عنها ولباس التقوى ذلك خير سورة الأعراف ما هي التقوى التي حصر وقصر سبحانه وتعالى قبول العمل إلا من أهلها في قوله جل وفي علاه إنما يتقبل الله منا المتقين On a déjà parlé de ces versets, quand? Pour les frères qui n'étaient pas là, ils sont excusés. Bnei Adam, les deux fils d'Adam, qu'on a rapporté leur histoire dans le surat. Al-Ma'ida, Ahsan. Hein? Et qu'on a dit que quoi? Allah n'accepte que des pieux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait. Avant. La raison pourquoi il a tué. Naam, et qui a été accepté, et l'autre n'a pas été accepté de lui. Et donc Allah a dit, Allah n'accepte que des pieux. Et ça fait partie du bon sens, un enseignement du Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, qu'il fait quoi? Il suscite notre intérêt maintenant. Par quoi? Par des questions. Hein? Et il continue, le Cheikh, il dit, hafidhahullah ta'ala, s'il y a des téléphones qui sonnent, que les responsables, que les propriétaires des téléphones, ils s'arrangent pour... ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا في حق أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة القمر وقال جل وعلا إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب سورة النبأ عما يتساءلون الآيات أي إلى آخر الآيات شيخ الجي حفظه الله تعالى Quelle est cette piété qu'Allah nous a ordonnée dans de nombreux versets? Comme la parole d'Allah dans la traduction du sens est, et c'est moi que vous devez redouter. Surat al-Baqarah, verset 41. Et sa parole dans la traduction du sens est, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Et hier, on a traduit, j'avais dit que j'allais le traduire au moins une fois dans la Dora, la Khutbat al-Haja, on l'a fait hier, on ne va pas la refaire. Mais c'est un des versets qu'on cite dans la Khutbat al-Haja, c'est-à-dire l'introduction que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la. Plupart de ses discours, au début de son discours, et qui s'appelle Khutbat al-Haja, et on cite un verset dans la traduction du sens, en tout cas une partie, c'est « Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint ». On va voir qu'est-ce que ça veut dire maintenant quoi ?« Comme il doit être craint ». « Haqqa tuqati ». Qu'est-ce que ça veut dire « haqq »?« Haqqa tuqati ». C'est surat Ali Imran, verset 102. Quelle est la signification de « comme il doit être craint » Et quelle est la piété au sujet de laquelle Allah a dit ce dont la traduction du sens est? Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, la taqwa. Surat al-Baqarah, verset 197. Et quelle est cette piété au sujet de laquelle Allah a dit ce dont la traduction du sens est? Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Surat al-A'raf, verset 26. Quelle est la piété dont Allah n'accepte les actions que de ces gens? Regardez l'importance de connaître taqwa, ya ikhwa. Comme dans la parole d'Allah, dont la traduction du sens est « Allah n'accepte que des pieux ». Surat al-Ma'idah, verset 27. Quelle est la piété dont Allah a dit au sujet de ces gens, ce dont la traduction du sens est « Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent ». Surat al-Qamar, verset 54 et 55. Et Allah a dit ce dont la traduction du sens est « Pour les pieux, ce sera une réussite, jardin et vigne jusqu'à la fin des versets. C'est la fin de quelle sourate on a dit? Pour voir si vous suivez ou pas. An-Naba. Verset 31-32, le Cheikh dit jusqu'à la fin des versets. Il a akhir al-ayat. Ou bien akmil al-ayat. Quelle est la piété dont Allah dit à son sujet ce dont la traduction du sens est? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها أو عنها؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية. سورة مريم. ما هي هذه التقوى؟ في آية كثيرة في القرآن الكريم آمرة حاثة محذرة من ترك التقوى، وعدت أهلها الخير الكثير والنفع العميم. فما هي حقيقة هذه التقوى؟ كم سلام. Les frères, vous gênez pas pour prendre de l'eau parce que je sais qu'il fait assez chaud. Les frères responsables, ils ont leur frère, ils ont amené de l'eau pour tout le monde. Donc servez-vous, inshallah. ولعل كثيرا منا يقول لأخيه أو لأحد من الناس اتق الله. صنع طبقة أخي اتق الله. اتق الله. وكثير من الناس يكثرون كلمة اتق الله. أليس كذلك؟ Je vous pose la question. أليس كذلك؟ On dit pas non, on dit pas là. Et si on dit non, on dit quoi? Kalla. En arabe, quand on pose une question où il y a une négation, on répond par bala. Et quand on répond par le négatif, on dit quoi? C'est comme si je disais en français, tu es un tel, n'est-ce pas? Et bien en arabe, tu dis quoi? Si tu dis oui, tu dis bala. Tu dis pas na'am. Et si c'est non, tu dis kalla. Retenez ça, inshallah. Une autre faïda dans la langue arabe, la différence entre na'am et ajal. Qui la connaît? Na'am, hein, tu fais bon. Cheikh l'Ethiopie, moi ce que je dis de Cheikh l'Ethiopie, hafidahullah, il dit, dans l'explication de Sahih Muslim, il dit que na'am c'est quand c'est une jumla ikhbariya. Ajal c'est quand une jumla ikhbariya. Par exemple, je te dis, tu es un tel. Toi tu me dis ajal. C'est comme si tu confirmes. Par contre, quand je te pose une question, tu dis quoi? Naam. Donc moi je vous pose la question, allez ça kadalik? Voilà, mashallah, alhamdulillah. Donc on a cité le verset de Sourate Maryam, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Sourate Maryam, versets 71 et 72. Maintenant chéri, repose encore une fois la question, quelle est cette piété? Il y a beaucoup de versets dans le noble Coran qui l'ordonnent et y incitent, et mettent en garde contre le délaissement de la piété, et qui promettent aux pieux, au pluriel, un grand bien et un bienfait général. Encore une fois, quelle est la réalité de cette piété? À la fin, on va vouloir savoir ce que c'est, inshallah. Il se peut que beaucoup d'entre eux nous disent à l'un de leurs frères ou à une personne, crains Allah. On entend beaucoup ça, c'est vrai, non? Crains Allah, akhi taqillah. Des fois, pour... La moindre des raisons. Akhi taqillah. Ou des fois, c'est devenu une parole de colère chez les gens. Taqillah. Et beaucoup de gens disent beaucoup, crains Allah, n'est-ce pas? Quel est donc le sens de ce mot? Maintenant, on va savoir, Inch'Allah, le sens de ce mot. Quelle est sa réalité? Puis le Cheikh, il dit, ma ma'na hadith al-kalima, wa ma haqiqatuha, wa kayfa ta'amal al-salaf, ayyuha al-salafiyoun. من الصحب الكرام والتابعين مع هذه الكلمة العظيمة أقول بارك الله فيكم وفي الجميع. لما وقعت فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، غتنسنو عبد الرحمن بن الأشعث، شيخ يلدي كيلي سا رياليتي دي سيت تقوى et comment les plus prédécesseurs parmi les nobles compagnons et leurs successeurs se sont comportés avec ce sublime mot. J'ai dit qu'Allah vous bénisse et bénisse tout le monde, et c'est Cheikh Al-Bukhari qui parle ici. Lorsque l'épreuve d'Ibn al-Ash'ath, et retenez son nom, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, est arrivée. Ahadul al-Quwad, yani l'il-Juyush, alladina kanu yattabi'un al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hada al-Rajul qad wallahu al-Hajjaj ala Sijistan, wa arsalahu liqitali Rutbil. Rutbil, c'est le roi des Turcs à l'époque. Malik al-Turk. الكافر لقتاله وفتح البلاد إلى غير ذلك. المهم أن عبد الرحمن بن الأشعث بينه وبين الحجاج شحناء وبغضاء بين الاثنين، وكان الحجاج من شدة بغضه أراد أن يبعده عن أنظار خليفة المسلمين في ذلك الوقت، من هو؟ عبد الملك بن مروان، فأبعده إلى سجستان، وكل منهما يتحين للآخر، فلم يره يوما ابن الأشعث، لم يرى الحجاج يوما إلا هم بقتله إلى هذه الدرجة من الشحناء. Lorsque l'épreuve, l'ulama l'appelle fitna, l'épreuve d'Ibn al-Ash'ath, c'est-à-dire Abd al-Rahman ibn al-Ash'ath, est arrivée, lui qui était l'un des généraux des armées qui dépendaient d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Vous avez quoi? C'est qui? Abdurrahman ibn al-Ash'ath, d'accord? Il est général de quoi? Naam, qui dépend de qui? Al-Hajjaj. Mais tu as raison à la fin, mais Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et c'est qui le calife au-dessus de tous? Abdul Malik ibn Marwan. Et des armées donc qui dépendaient de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj avait placé cet homme, qui? Ibn al-Ash'ath, à la tête du Sijistan. Et l'avait envoyé combattre Rutbil, le roi des Turcs, qui était mécréant et conquérir le pays, etc. Donc il y avait entre Abdurrahman ibn al-Ash'ath et qui? Al-Hajjaj, une inimitié et une haine entre les deux. Al-Hajjaj le détestait tellement qu'il a voulu l'éloigner du regard du calife des musulmans à cette époque, qui était qui? Abd al-Malik ibn Marwan. Ou si vous voulez, ici il a dit Cheikh Abd al-Malik ibn Marwan. Il l'envoyait donc loin au Sijistan. Il l'a éloigné en fait des regards des gens. Et chacun des deux attendait le moment opportun. Ibn al-Ash'ath ne voyait pas un jour al-Hajjaj sans qu'il n'ait l'intention de le tuer tellement il le détestait. Puis Cheikh il dit, فلما بدا عبد الرحمن السير بقي في بلدة من البلدان أدركه فيها الشتاء القارس فبقوا فيها بعد أن فتحوها وأرسل إلى الحجاج أن أردنا البقاء إلى حين انقضاء الشتاء يتقوى الجنود على مواصلة السير والجهاد فأرسل إليه الحجاج يوبخه ويصفه بالجبن والخور والضعف وأنه كذا وكذا وكذا فيه يعني عبارات غير لائقة ولا ممدوحة فوافق ذلك الشحناء وتبع الحجاج هذه الرسائل وهذه الكتابات إلى ابن الأشعث باللوم ووجد سبيلا للنيل منه والكلام فيه. Lorsque Abd al-Rahman démarra son voyage, le voyage vers où? Vers le Turkménistan, ça ou là? Hein? C'est juste, hein? Non, c'est le Sijistan. Hein? Lorsque Abd al-Rahman démarra son voyage, il resta dans une contrée. Il était pourquoi là-bas, en vacances? Qui? C'est des noms un peu difficiles, hein? Ahsan, Rutbil, le roi des Turcs à l'époque, qui était mécréant. Lorsque Abd al-Rahman démarra son voyage, il resta dans une contrée où ils trouvèrent un hiver glacial. Ils restèrent donc après l'avoir conquise et il envoya un message à Al-Hajjaj pour le prévenir qu'il voulait y rester jusqu'à l'hiver, jusqu'à ce que l'hiver passe. Afin que les soldats, c'est quoi ce? Ils se reposent et se fortifient afin de continuer leur avancement. Al-Hajjaj lui envoya un message. Et il y a quoi entre les deux? Est-ce qu'il y a l'amour entre les deux ou il y a quoi? Hein? L'inimitié. Ah, c'est un mot un peu. Hein? Allez, c'est des ennemis. Ils se détestent l'un l'autre. Il lui envoya un message où il le réprimandait et le traitait de couardise. C'est un mot que vous connaissez, ça, couard. Akhouaf, on dit chez nous. Hein? D'accord? Hein? C'est un peureux. Hein? Comment, vous trouvez un autre mot que couard? Hein, la couardise. Vous avez jamais entendu ce mot-là? Hein? Ouais, tu as entendu? Alhamdulillah. Je ne sais pas si c'était du vieux français, Allah alam. Je me fais vieux peut-être. Hein? Et de faiblesse et de lourdeur, et qu'il était ceci et cela. C'est-à-dire des paroles qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas louables. Hein? Cela convenait à sa haine. Al-Hajjaj continua donc de lui envoyer des messages et des lettres à Ibn al-Ash'ath où il le critiquait. Et il trouva donc une voie pour l'injurier et le critiquer. Il a trouvé une raison pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Maintenant vous vous dites, qu'est-ce que Ibn al-Hajjaj? Al-Hajjaj et Ibn al-Ash'ath, ils ont à voir avec taqwa. Vous posez la question. Si vous ne posez pas la question, il y a un problème. Hein? J'en ai impatience, vous allez avoir la réponse. J'espère aujourd'hui. Hein? Inch'Allah. فقال في الجندي خطيبا إن الحجاج يقول كذا وكذا فانظروا أمركم فلم يرتدي القوم كلام الحجاج وخلعوا الحجاج فإنه كان أميرا عليهم خلعوا الحجاج وبدل أن يتجه ابن الأشعث إلى رتبيل لقتاله وفتح البلاد انقلب ورجع إلى الحجاج لقتال الحجاج فخرج جميعا لقتال الحجاج وهم الطريق وهم الطريق قالوا وكان يوما يخطب فيهم والد ابن الأشعث son père maintenant Mohammed ibn al-Ash'ath. Il y a beaucoup de noms aujourd'hui. Wasmoul ibn Abd al-Rahman. Donc le père, il s'appelle Mohammed. Comment? Abu Abd al-Rahman. Hein? On ne sait pas. Hein? Ouais, on ne sait pas. C'est peut-être sa cognée, c'est peut-être pas sa cognée. En tout cas, lui, c'est Abu Abd al-Rahman. On est d'accord? Et son fils, c'est Abd al-Rahman. ابن الأشعث خطب فيهم، ومما قال بما أن خلعنا الحجاج فلابد أن نخلع من ولا الحجاج. سيدخكي عبد الملك بن مروان. الحمد لله vous suivez. Je sais qu'il y a des frères qui m'ont dit tu parles vite. Ça fait des années j'essaie de les corriger, j'arrive pas. Allah al-musta'an. Des fois ça sent bénéfice parce que ça garde les gens un peu réveillés. Ils sont un peu, surtout il fait chaud, on est là, on se sent bien, il fait chaud, hein? On est bien ici, c'est confortable, hein? Allah alam. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein? Gentiment, inshallah. Il, c'est-à-dire qu'Ibn al-Ash'ath, il fait un sermon aux soldats où il dit Al-Hajjaj dit ceci et cela, voyez votre affaire. Les soldats, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'acceptèrent pas la parole de Al-Hajjaj et se retirèrent de l'autorité de Al-Hajjaj. Ils sont rebellés. Khuruj. Hein, c'est-à-dire ils ont retiré l'autorité, et qu'est-ce qui va suivre évidemment, c'est quoi? Ils se sont retournés. Au lieu d'aller chez Rotville maintenant, ils se retournent contre Al-Hajjaj. L'armée se retourne contre Al-Hajjaj. Ils sortirent donc de l'autorité de Al-Hajjaj et à la place de se diriger vers Rotville afin de le combattre et de faire des conquêtes, Ibn al-Ash'ash se retourna et se dirigea vers Al-Hajjaj afin de le combattre. Ils sortirent donc tous afin de combattre Al-Hajjaj. Maintenant, un jour, le père d'Ibn al-Ash'ash, le père d'Abdurrahman, qui est Mohammed ibn al-Ash'ash, le nom de son fils est Abdurrahman, leur fit un sermon et leur dit « Tant que nous sommes sortis de l'autorité de Al-Hajjaj, alors nous devons faire de même avec celui qui a donné Al-Hajjaj son autorité. » Qui est qui? Le calife des musulmans à cette époque, c'est Abd Malik ibn Marwan. Ils sortirent donc de l'autorité d'Abd Malik ibn Marwan et d'Al-Hajjaj et s'orientèrent donc vers qui maintenant? Non, ils s'orientèrent afin de le combattre, de combattre Al-Hajjaj. Il y eut entre eux, cher, il continue, d'abord je continue en arabe. « Fakharajou jami'an » لقتال الحجاج ثنا جلي فخلعوا عبد الملك بن مروان وخلعوا الحجاج فتوجهوا الى ماذا الى قتاله ودارت بينهم معارك كثيره شهيره كانت الغلبه في اكثرها لابن الاشعث الا انه في اخر تلك النازلات او عفوا النزالات ظفر به الحجاج نعم انتصر عليه وهذه الفتنه بارك الله فيكم قد شارك فيها مع ابن الاشعث جمع من الصلحاء والصالحين واهل العلم لأن الحجاج بن يوسف معروف أيها الأحبة بتسلطه وجبروته وسفكه للدماء. C'était une grande fitna à l'époque. Vous allez voir que, hein, il y a des savants de l'islam qui ont disparu dans une nuit qui est très connue, qui a un nom en islam. Dans les biographies, quand vous voyez de l'imam Dahabi, vous voyez Fouqida Yom al-Dujail. On n'a plus de nouvelles de ce alim là depuis cette nuit là, tellement qu'il y a eu de morts cette nuit là. Hein? On va voir dans un instant, inshallah. Et donc, ils s'orientèrent afin de le combattre. Il y eut entre eux de nombreux célèbres combats, dans la majorité desquels Ibn al-Ash'ath avait le dessus, sauf que dans les derniers combats, Al-Hajjaj, qu'est-ce qui s'est passé? Le domina et le vainquit. Et dans cette épreuve, qu'Allah vous bénisse, un certain nombre de vertueux et de gens de science participèrent aux côtés d'Ibn al-Ash'ath. Car Al-Hajjaj ibn Yusuf était connu pour sa domination et sa tyrannie, et parce qu'il faisait couler le sang. Il a même tué certains parmi les sahabas, ya khou. Comme on va le voir dans un instant, inshallah. Mais de plus, il lui arrivait de retarder la prière du vendredi de son heure. Et il fit aux gens des choses à tel point qu'un jour, un homme lui dit Belkan et tahayyan fi waqt al-jumu'a an yu'akhir as-salat an waqtiha. Wa fa'ala bin-nas al-afa'il hatta innahu qad qala lahu rajul ya hadha innaka qad fa'alta bi ummati Muhammad kayta wa kayt. Fanduru ila jawab hadha ar-rajul. C'est qui répond dans Al-Hajjaj? Wa huwa jawab 'azim dahiya. Qala na'am. إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم لما أحدثتم في دين الله ما أحدثتم وتركتم من شريعة محمد ما تركتم سلطني الله عليكم هكذا يكون الأمر سلطني الله عليكم. Mais de plus, il lui arrivait de retarder la prière du vendredi de son heure, et il fit aux gens des choses à tel point qu'un jour un homme lui dit oh toi, tu as fait à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle chose et telle chose. Regardez la réponse de cet homme. C'est qui cet homme? Hein? Al-Hajjaj. Hein? C'est Al-Hajjaj maintenant. Regardez la réponse. Et c'est des frères qui font des fois des erreurs dans les réponses. Je préfère qu'ils participent au moins. Il n'y a pas de problème. On est là, hein? On est là entre nous. Des fois, moi aussi, j'ai la langue qui glisse. Il y a des frères qui me récupèrent. Les hommes, ça arrive à tout le monde, ça. Il ne faut pas avoir cette gêne comme ça On est entre frères, on est en train d'apprendre, on est en train de s'entraider pour la science. Oh, toi, tu as fait à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle et telle chose. Regardez la réponse de cet homme qui est une réponse mémorable et habile. Et il dit, oui, je ne suis qu'une calamité venant d'Allah sur vous. Lorsque vous avez innové ce que vous avez innové et que vous avez délaissé de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que vous avez délaissé, Allah m'a rendu maître de vous. Telle est donc l'affaire. Allah m'a rendu quoi ? Hein ? Maître de vous. Telle est donc l'affaire. Allah m'a rendu maître de vous. Et maintenant, on a une parole de qui ? L'imam ibn Sirin, rahimahullah. وسمع الإمام ابن سيرين رجلا يدعو على الحجاج فقال له يغدي ونبي سكيم من الحجاج un peu en détail mon avis c'est qu'il الحجاج et un jour ابن سيرين a entendu quelqu'un faire doua contre الحجاج regardez la réponse يا هذا c'est rapporté on rapporte des chaînes de transmission c'est pas des histoires racontées des fables كما في مصنف ابن أبي شيبة قال له يا هذا إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم ممن ظلم من الحجاج فلا تظلم فعلى الأفاعيل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتل سادات الناس ومنهم سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من الأئمة والصلحاء ولما استفحل أمره خرج بعض الصالحين معه وبعض العلماء مع ابن الأشعث يعني في قتال من الحجاج L'imam ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, il a entendu un homme invoqué contre le Hajjaj, il faisait doua contre le Hajjaj. Et il lui dit, oh toi. Et cela rapporté dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba. Il lui dit, toi, oh toi, Allah juge parfaitement. Il prend pour le Hajjaj de celui qui a été injuste envers lui. Et il prend d'Al-Hajjaj pour celui qui a subi une injustice de la part de l'Hajjaj. Ne sois donc pas injuste. Et ça, c'est une règle importante, ya ikhwa. Je vous pose la question. Est-ce que les gens de la sunna, هل يقابلون الظلم بالظلم? Hein? Là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que les gens de la sunna, ils font face à l'injustice par l'injustice? Là, ahsantum, c'est vrai. On ne fait pas face à l'injustice par l'injustice. Regardez ce qu'il a dit. Ne sois donc pas injuste. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi fait des choses graves à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as les nobles parmi les gens, parmi eux, Sa'id ibn Jubair, radiallahu anhu arda. Et d'autres parmi les imams et les vertueux. Lorsque son affaire s'aggrava, certains vertueux sortirent avec lui, ils se rebellèrent, et certains savants furent avec Ibn al-Ash'ash, c'est-à-dire afin de combattre qui? Al-Hajjaj. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé, on va voir ça dans un instant, inshallah. Et c'est pour cela que fut dit à Ibn al-Ash'ash. Et maintenant, on commence à arriver petit à petit au sujet du cours. Sur le sujet du cours. ولهذا كان أن قيل لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قاتل الصحابة حول هودج عائشة يعني يوم الجمل فأخرج معك من الحسن البصري رحمه الله. معلوم أيها الإخوة منزلات الإمام حسن البصري في الناس وهو قدوة وأسوة. إذا أردت أن يخرج الناس ويقاتلوا معك الحجاج فأخرج معك من؟ الحسن لثقة الناس بالإمام الحسن فجيء للإمام الحسن واقتيد عنوة وقسرة وهو يأبى رحمه الله حتى إنه لما كان مقتادا قذف بنفسه إلى النهر الله أكبر ليفلت من الدخول في هذه الفتنة ونزلوا فأخرجوه رحمه الله كما في طبقة ابن سعد. Il fut dit à Ibn al-Ash'ath, Ibn al-Ash'ath qui s'est rebellé contre qui? Al-Hajjaj. Si tu veux que les gens combattent avec toi, comme les compagnons ont combattu autour de la litière placée sur le dos d'un chameau de Aïcha, comment on appelle cette bataille? Non, la bataille du chameau. C'est-à-dire le jour de la bataille du chameau. Alors fais sortir avec toi qui? Al-Hassan al-Basri. Chers frères, le statut d'Al-Hassan al-Basri parmi les gens est connu. Il est un exemple et un modèle. Hein? Vous connaissez la description physique de Hassan al-Basri? Il était fort, rahimahullah. Hein? Sa couleur de peau? Il était foncé de peau, naam. Pourquoi? Lui-même? Ou il descendait d'une lignée? Hein? des gens sont venus lui demander par rapport à l'Khuruj. Il leur répondait que la sunna. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un étranger. Hein? On va écouter ce gros. On va écouter. Hein? Regardez, ils sont venus lui demander pourquoi. Ça, c'est pas dans le cours, mais. Hein? C'est Cheikh Falah Ismail qui rapporte ça dans Usul Sunnah, l'imam Ahmed. Pourquoi? Ils sont venus parce que c'est un imam. Il leur a répondu avec la sunna, contrairement à ce qu'eux voulaient y chercher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont insulté. Ça vous rappelle pas beaucoup de gens cette époque-ci? Hein? Hein? Par un ou autre. Autre. Quand ils cherchent des paroles des savants, quand le savant dit le contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent contre le savant, hein? En les critiquant. C'est une faïda en passant. Donc si tu veux que les gens sortent avec toi et combattent avec toi, alors fais sortir avec toi Al-Hassan. En raison de la confiance qu'avaient les gens en Hassan al-Basri. C'est-à-dire que si les gens voient Hassan avec le sabre, qu'est-ce qui va se passer? Khalas, qu'est-ce qu'il y a? Hein? On y va. C'est un imam, Qudwa. Il vinrent donc chez l'imam Al-Hassan al-Basri et il fut emmené de vive force et par contrainte, alors qu'il refusait qu'Allah lui fasse miséricorde. A-t-elle écouté ça? Regardez le sunnah, ya ikhwa. Il a refusé, à tel point qu'il a été emmené de vive force. Hein? Il a été emmené de vive force, contre son choix. Et il se jeta dans le fleuve afin d'échapper à cette fitna. Il ne voulait pas participer à la fitna. Ils descendirent et l'en firent sortir, afin qu'Allah lui fasse miséricorde, hein? Qu'il sorte avec eux, comme cela est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd. Cheikh il dit, Al-Shahid, هذه الفتنة العمياء التي ذهبت فيها أنفس وقتلت فيها أمم وفقد آخر تلك الليالي ليلة تسمى ليلة دوجيل ليلة retenez ce nom là ليلة دوجيل. On va pas entrer dans les détails, mais si vous regardez dans un livre qui s'appelle Mu'jam al-Buldan, c'est quoi en fait? C'est comme un genre de glossaire avec tous les contrées, les pays, etc. Ils disent que c'est le nom de quoi? Une rivière, d'accord? Et le nom de cette nuit, il a pris le nom de دوجيل, de cette rivière. Doujail. C'est un livre contemporain? Moi, j'aime le Buldan. Non. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas te mentir, mais je ne pense pas. Hein? Ali, prends ma réponse et mets deux grandes parenthèses à côté. Vérifie Allah Izzik Bekhir, ça va? Laylat Doujail, fukhida fiha kathir min al-khalq. Walidhalika tajid fi tarajum ba'da al-a'imma yuqalu fukhid Laylat Doujail. Fukhid. لا يدرى عنه مات هو في تلك السنة أم مات بعدها لا يدرى ومن هؤلاء كي من أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه رحم ورحمه وغيره من العلماء. Écoutez ça, regardez la fitna, qu'est-ce que ça fait, le khuruj, qu'est-ce que ça fait? Cette épreuve aveugle au cours de laquelle des gens furent tués et des communautés furent tuées. Et lors de la dernière de ces nuits, qui est appelée la nuit de Doujail, ou l'une des dernières nuits, beaucoup de gens disparurent. Et c'est pour cela que tu trouves dans la biographie de certains imams qu'il y dit à son sujet, disparu la nuit de Doujail. Parce que dans les tarages, dans les biographies, on rapporte quoi? La naissance et la mort, ça, oulala. Et certains, on voit quoi? Disparu la nuit de Doujail. Parmi eux, à titre d'exemple, c'est-à-dire disparu, on ne sait pas s'il est mort cette année-là ou s'il est mort plus tard, on n'a plus de nouvelles de lui, on ne sait pas. Parmi ceux-là, Abu Ubaida, qui est le fils de qui? D'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Hein? Abu Ubaida, ibn Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah agresse son père et qu'Allah lui fasse miséricorde à lui. Et d'autres parmi les savants, il y en a d'autres. هذه الفتنة ومعلوم ما في القتال أي الأحبة من الافتتان ومن تداخل الحق بالباطل ولهذا الله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون سورة البقرة. ممن خرج مع ابن الأشعث في ذلك الوقت الإمام عامر بن شراحيل. قلنا في الكومون celui qui dit ça, je donne comme on donne aux enfants à l'école. Vous savez que je suis enseignant à la Salafi school en Angleterre, hein? Golden Star, يعني, tiens, أحسنت, hein? Celui qui dit ça, يعني, je lui donne Golden Star, une virtuelle, hein? الإمام عامر بن شراحيل. Il est connu, très connu, ce imam. C'est pas peut-être par ce nom-là. Al-Sha'bi. Al-Sha'bi. Al-Imam Amir ibn Sharahil Al-Sha'bi. Al-Imam Al-Sha'bi Al-Shahir. Lakinhu taba, rahimahullah. Wa anaba, wa raja'a ila Allah jalla ala wa staghfara. Fa haoula al-qawm min al-sulaha wa al-ulama kharaju. Tahat al-nas wa al-amma. نخرج مع ابن الأشعث أم نصبر على جور الحجاج؟ هذه الفتنة، هل نتعامل معه بما دلت عليه النصوص من الصبر على جور الأئمة أم لا؟ ماذا نفعل؟ Cette épreuve aveugle, qui est quoi? On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, notamment la nuit de d'Ogeil. D'accord? Cette épreuve et ce qu'il y a comme trouble dans les combats est connue, et la confusion entre le vrai et le faux. Imaginez-vous, il faut étudier, il y a des chapitres entiers dans la sunna, sur quoi? Le fitan. Il y a une sourate du Coran, que les ulama donnent un nom, parmi ces noms, c'est sourate le fitan. C'est facile ça. Ahsant l'ankabout. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ahsan jazakallahu khairan. Et c'est pour cela qu'Allah dit, selon la traduction du sens est, ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Sourate al-Baqara verset 42. Parmi ceux qui se sont rebellés avec Ibn al-Ash'ath à ce moment, il y a l'imam Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, qui est connu plus sous le nom Sha'bi. Vous entendez souvent ce nom-là, non? Al-Sha'bi, l'imam al-Sha'bi, rahimahullah. Le célèbre imam al-Sha'bi. Mais il se repentit, rahimahullah. Il revint et se repentit à Allah et demanda pardon à Allah. Hein? Eh, non, Sha'bi, rahimahullah. Fait un imam. Quand tu dis le hadith, خلاص, ça. Hein? Donc ces gens, parmi les vertueux et les savants, se rebellèrent. La masse des gens fut troublée. Doit-on se rebeller avec Ibn al-Ash'ath? Ou doit-on patienter quant à la tyrannie de l'Hajjaj? Hein, imaginez-vous dans cette position. Fitna. Doit-on nous comporter avec lui en fonction de ce qu'indiquent les textes quant à la patience sur la tyrannie des gouverneurs ou pas? Que doit-on faire? Et Cheikh il dit, وفي هذا المقام أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة لما قيل له إنه قد بويع ليزيد ماذا قال؟ قال إن كان خيرا شكرنا وإن كان شرا صبرنا. هذا هو التعامل الشرعي مع الولاة الذين فيهم جور وظلم وحيد. À ce stade, c'est Cheikh al-Bukhari qui dit ça, il dit, je rappelle et le rappel profite aux croyants que Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, sahabi, fils de sahabi, il fait partie de ce qu'on appelle l'abadila dans le hadith. C'est qui l'abadila? Pourquoi on les appelle l'abadila? Parce qu'ils s'appellent Abdullah. Parmi eux qui? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Abdullah. Les noms, ils vont vite, là. Hein? Le Koulihal, vous savez ce que ça veut dire, l'abadila? Hein? Comme cela est rapporté dans le Moussanaf d'Ibn Abi Shayba, lorsqu'il lui fut dit, l'allégeance a été faite à Yazid. Que dit-il? Il dit, s'il est un bien, nous remercierons, et s'il est un mal, nous patienterons. Voici la manière légiférée de se comporter avec les gouverneurs, qui ont de l'injustice et de l'oppression et de la tyrannie. Et maintenant, vous avez enfin votre réponse. J'arrête maintenant ou... Ce ne serait pas gentil de ma part. Hein? Vous avez la réponse pourquoi Chir a rapporté toute cette histoire par rapport au titre. C'est important toujours de lier ce qu'on dit par rapport au titre. Qui est quoi, le titre? Si vous n'avez pas le titre, je fais comme il a fait Chir Rodayan. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait Chir Rodayan? Il a fermé le livre et il est rentré. Hein? Ahsan, sa réalité... La piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application. Alhamdulillah, je peux rester. Alhamdulillah. Al-Muhim, Ja'at al-Nas ila rajulin yusamma Talq ibn Habib. Pourquoi on a dit Talq ibn Habib ici, vous devinez? Là, je vous ai dit, khlas. Vous pouvez terminer vous-même le dars là. Hein? C'est quoi? Talq ibn Habib, qu'est-ce qui est très connu de lui? Sa définition de la piété, de la taqwa. Que Cheikh Abdelzak, d'ailleurs, il a très bien expliqué. Cheikh Abdelzak al-Badr, hafidahullah. Donc les gens, ils sont venus voir Talq ibn Habib dans cette fitna. Rajulun yusamma Talq ibn Habib. Et cet athar qui est à dire, qu'il a écrit l'imam Abdullah ibn Mubarak dans le kitab al-Zuhd. Il est rapporté de l'imam Abdul Mubarak, de sa sincérité, qu'il y avait un cavalier qui combattait un jour, et il était masqué, ce cavalier. Hein? Et son masque est tombé, c'était qui? Abdul Mubarak. C'est pas pour qu'on sache qui était sur le cheval. Regardez l'ikhlas. Hein? في كتاب الزهد وهناد بن السري في الزهد أيضا وابن أبي شيبة رحمه الله ورحمهم جميعا في المصنف وفي كتاب الإيمان له وكذا أبو نعيم في الحلية بسند صحيح أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث هكذا اللفظ فيها لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءه الناس وقالوا يا لطلق ماذا نفعل فكان يقول لهم أطفئوها بالتقوى أو ادفعوها بالتقوى وفي لفظ يعني في رواية أطفئوها وفي رواية ادفعوها. Les gens donc allèrent voir un homme appelé Talq ibn Habib. Et ce athar que je vais citer a été rapporté par l'imam Abdullah ibn Mubarak dans le kitab Zuhd et Hannad ibn Sari dans Az-Zuhd et ibn Abi Shayba dans le Musannaf et dans son kitab Al-Iman et aussi Abu Nu'aym dans le Hilya avec une chaîne de transmission authentique qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Que lorsque l'épreuve d'Ibn al-Ash'as s'est passée, telle est la formulation de ce athar. Et je vous conseille de regarder un peu dans le hadith. C'est quoi la différence entre un hadith et un athar? Est-ce qu'il y a une différence ou pas dans le, c'est quoi la définition de chaque dans l'aura et l'estilah, etc. Les gens vinrent et dirent à Talq, que devons-nous faire? Il leur disait quoi? Éteignez-la, c'est-à-dire la fitna, avec la taqwa, avec la piété. Ou dans notre riwaya, notre version, repoussez-la avec la piété. Repoussez la fitna avec la piété, avec la taqwa. Dans une version, éteignez-la. Et dans une autre version, quoi? Hein, donnez-moi des signes de vie de temps en temps. Hein? C'est quoi? Repoussez-la. Et telle est l'affaire des fitnes, le cheikh, il dit. Des épreuves, des troubles. Elles requièrent d'être éteintes et repoussées, car si elles ne sont pas éteintes, elles vont s'embraser et se répandre parmi les gens. Et donc celui qui tue ne saura pas pourquoi il a tué. Et ni celui qui est tué ne saura pourquoi il a été tué. C'est ça le fitna. Il dit repoussez-la ou éteignez-la avec la piété et la taqwa. وهكذا الفتن تحتاج إلى دفع وإطفاء لأنها إذا لم تطفأ زادت واشتعلت ومشت في الناس فلا يدرى القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. أحسنتم. قال ادفعوها أو اطفئوها بالتقوى كأنه أكثر عليهم بهذا الجواب. Hein, c'est comme s'il répétait tout le temps ça. Les gens toujours atfi'ouha, atfi'ouha, idfa'ouha, idfa'ouha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, quoi? Ma hiya taqwa. Hein? Ka'annahu akthara 'alayhim bi hadha al-jawab. Fa qalu lahu ba'd an karra 'alayhim qalu lahu sif lana at-taqwa. Idhan qad akthartu 'alayna fa ma hiya at-taqwa? Maintenant, on veut savoir c'est quoi at-taqwa. Éteignez-la avec la piété, éteignez-la, repoussez la piété. Oh, c'est quoi la piété? Hein? On veut savoir c'est quoi la piété. Et c'est pour ça qu'on est assis entre nous ici aujourd'hui, hein, pour l'apprendre. Pour savoir c'est quoi la piété. Ma hiya at-taqwa? Qala rahimahullah at-taqwa wa hada huwa haqiqatuha. Et je voudrais barakallahu fikum que vous mémorisiez cette définition là si possible en arabe sinon en français. Et gardez-la pour la vie et essayez de la mettre en application inchallah. Et enseignez-la à vos femmes, enseignez-la à vos mères, à vos parents, hein, et j'aurais dû dire mère avant femme parce que la mère elle a plus de droits. Hein? Enseignez-la à vos mères, à vos pères, à vos femmes, à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants, à vos voisins, à vos amis. Hein? Au lieu de parler de la pluie du beau temps, vous avez plus de beau temps, de beau temps ici que de pluie, nous on a beaucoup de pluie, hein, à la Kulihal. Vous parlez de ce genre de choses. Ah, c'est quoi la taqwa? Hein? Non, tu veux que je te dise c'est quoi la taqwa? Ouais, voilà, c'est ça, Talq ibn Habib l'a dit, ça, regarde, c'est une belle définition, mémorise-la. Hein? Parce que Salafi, c'est un da'i d'Allah Azza wa Jal. Chacun son niveau, c'est vrai, voilà qu'il faut faire da'wa. Toi, tu fais rien, tu dis voilà la définition, je l'ai mémorisée, tiens, Kada. Et Cheikh al-Bukhari l'a expliqué de telle manière, et toi, tu rajoutes rien, t'enlèves rien. At-taqwa, amalun bi ta'atillah. Ala nourin min Allah. Tarjou, thawab Allah. Wa at-taqwa, tarku, ma'asiyatillah. Ala nourin. من الله مخافة عقاب الله هذه هي التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله تجو ثواب الله والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله هكذا نصحهم رحمه الله. Et tout le cours maintenant, toute la fin du cours, inshallah, elle va être dans quoi? La définition ou plutôt, pardon, l'explication de cette définition de la taqwa. Vous suivez? Vous avez un plan du cours dans votre tête ou pas? Hein? Je vois des têtes qui font oui, comme ça. Hein? Et c'est important d'avoir un esprit de synthèse. Et à la maison, tu refais une synthèse, etc. Cheikh Barram Zal Hajdiri, quand il est venu chez nous à Birmingham une fois, à la fin du cours, il a dit, toute personne qui me ramène ses notes, il aura un cadeau de ma part. Cheikh Barram Zal, il est connu qu'il donne des très beaux cadeaux. Hein? D'accord? Des fois, vous allez dire, des fois, quand quelqu'un répond à une question, il donne 50 euros. Hein? Qadbar Allah. Là, ça se fait le masjid, jusque dans la rue, ça, oh là là. 50 euros la question, Allahu Akbar. Hein? Le but, c'est pas les 50 euros, mais bon, c'est une récompense. Donc, c'est comme s'il répéta beaucoup cette réponse et lui dire, après qu'il a, il a leur eu répété de nombreuses fois, décris-nous c'est quoi la piété. Tu nous as beaucoup répété ta réponse. Quelle est donc maintenant cette piété? On veut savoir. Quelle est donc cette piété? Il répondit qu'Allah lui fasse miséricorde. La piété est-elle sa réalité? Eh bien, c'est quoi? Il a dit, la piété est de pratiquer l'obéissance à Allah. Et vous allez voir que je vais traduire d'une certaine manière « Nour min Allah », mais vous allez savoir pourquoi. Avec une science venant d'Allah. J'aurais pu dire avec quoi? Une lumière venant d'Allah, qui est une traduction correcte, mais qui n'est pas proche du sens. Hein? Oui, une lumière, guidée, etc. Mais le sens ici, c'est, comme il va l'expliquer cher plus loin, ça veut dire lumière, c'est quoi? Min Allah, c'est une science venant d'Allah. Donc on traduit directement une tarjama istilahiya, une traduction par la terminologie, chez les savants de l'islam, et on dit quoi? Avec une science venant d'Allah. En espérant la récompense d'Allah. Donc essayez de la mémoriser avec moi maintenant, c'est quoi? La piété, c'est de pratiquer quoi? L'obéissance à Allah. C'est facile à retenir. Ça, oulala. Mais avec quoi? Avec jahl? Non, avec une science venant d'Allah. Pourquoi? Parce que tu espères la récompense d'Allah. Ça, c'est la première moitié de la définition. Deuxième moitié, c'est simplement quoi? L'inverse, si vous voulez. Hein? Et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah. Avec une science venant d'Allah. Pourquoi? Par crainte du châtiment d'Allah. Vous la retenez ou pas? Qui sait la dire en français? Je suis gentil, je dis en français. Parce que j'ai entendu déjà des gens qui l'ont dit en arabe, en français. Si vous faites une erreur, ma'alish. Je la répète une fois. Oh, c'est facile alors. Hein? Hein, vous rappelez le hadith, vous connaissez dans le kitab l'Imsah al-Bukhari, il y en a deux qui apprennent pas, c'est qui? Le mustakbir, celui qui est orgueilleux, et le mustahi, celui qui, hein? Et s'il y en a un qui doit être timide, je vous assure, c'est moi ici. Hein? Même si avec le temps, alhamdoulilah, on s'est habitué à parler devant les gens, on a toujours une boule au ventre, avant de venir devant ce micro ici. Parce que c'est une amana. C'est une amana. C'est pas facile. Hein? Il y en a qui... prépare là. Hein? Barakallahu fik, quoi, vas-y, donne-moi la réponse. Mahsan, c'est très bien, alhamdoulilah, j'ai pas de problème avec ça. Hein? Allez, qui dit la définition en français? Si possible, comme elle est, sinon par le sens. L'obéissance à Allah. Non, pratiquer l'obéissance à Allah. Science venant de qui? Venant d'Allah, sahih. Zid, pourquoi? En espérant sa récompense. Et qui veut dire la deuxième moitié? Tfadal. Délaisser la désobéissance à qui? Allah. À Allah. À la science venue d'Allah. À la science venue d'Allah. Na'am. Ahsant, en craignant quoi? Le châtiment d'Allah. Non, khalas, vous connaissez la... Hein? Vous donnez des lettres ou des à l'école ici. Qu'est-ce qu'ils disent? 20 sur 20 ou ils disent A? Hein? Hein? Hadi 50, regarde, subhanallah, regarde la mémoire comment elle est liée. Hein? Regarde. Hadi, hein? أما التعريف الله أعلم ولكن 50 هذه بقات ها ها ولي بوند 50 بوند سي 60 يورو ها يا ناس ها انكور هذا سي تي تي تي كوميرسون ها ان بو 50 درهم لا 2 يورو على كل حال تيلي لا بيتي pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah et la fierté et de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Il y a encore un peu le temps. 5 minutes, pas plus. Ça veut dire qu'on ne terminera pas le cours. Parce que j'ai encore deux cours à faire avec vous. C'est le cours de Cheikh Bar Ramzan sur la clarté du ménage et son effet dans la da'wa. Et de Cheikh Raslan, ils sont la peste des cœurs. Ah, celui-là, toi, tu l'attends, toi. Hein? Non, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. C'est un cours que j'ai voulu faire depuis longtemps. Là, et c'est le responsable qui a parlé. Sinon, j'aurais dit, je vous laisse le choix, mais c'est... Hein? Ani, c'est la, Walil Amr, Ani, ici, il a dit, hein? Moi, j'ai rien, hein? Allez, on va voir un peu de Rahma, c'est long. Ça a été long avec les frères, il va se préparer pour le Dars de Cheikh Abdel Hadi, Inch'Allah. El Fajr, on pourra peut-être finir celui-là et commencer l'autre, Inch'Allah. C'est comme vous voulez. Hein? Si on est réveillé, si on est... Salah Azul Tawfiq, Inch'Allah. Je termine juste ce point-là. Et je rapporte une parole d'Ibn Qayyim et on s'arrête, Inch'Allah, ça va? On retient, pratiquer l'obéissance à Allah. Donc on étudie quoi ici? Le livre de Cheikh al-Bukhari, Abdurrahim al-Bukhari, Hafidahullah Ta'ala, qui est enseignant à l'université de Médine. Hafidah qui fait partie des chouïrs connus de Médine. Hafidahullah Ta'ala. Je vous recommande vivement ses cours, et en particulier son explication de Usul Sunnah d'Imam Ahmed, qu'il en dit qu'à 7. C'est parmi les meilleurs que moi j'ai entendu. Usul Sunnah d'Imam Ahmed, 10 qu'à 7. Il a le Bayqouniya qui a été publié, il a Usul Sunnah d'Ibn Abi Zamanin, il a beaucoup de... Le chir de l'imam Muslim. Quel chir? Mais c'est quoi le livre? C'est quoi? Tu me diras après, Inch'Allah. C'est en Algérie aussi? À la même daura? Tu étais là? Ah, c'est pour ça que tu m'as dit Mbaraki. Pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah. Voilà le conseil qu'il leur fit qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc on a le Dars de Cheikh al-Bukhari qui est la piété, sa réalité et l'effet de sa mise en application. Il a rapporté la fitna d'Ibn al-Ash'as qui s'est rebellé contre qui? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était sous l'autorité, ils étaient tous sous l'autorité de qui? Du calife des musulmans, Abd Malik ibn Marwan. Pourquoi? Parce que l'Hajjaj il a critiqué Ibn al-Ash'as, donc ils sont retournés au lieu d'aller chez Rotbil, le roi des Turcs, ils sont retournés contre l'Hajjaj. Hein? Et il y a eu la fitna et les gens, ils savaient pas quoi faire, ils ont été chez un homme. D'abord ils ont essayé d'avoir Hassan al-Basri, Ibn al-Ash'as. Hein? Et après, les gens, ils ont été chez Talq ibn Habib, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit, atfi'ouha, éteignez la fitna, repoussez la fitna, avec la taqwa, avec la taqwa, avec la taqwa, jusqu'à ce qu'ils nous ont dit, mais c'est quoi la taqwa? Et puis, il leur a donné cette définition. Maintenant, on termine sur une parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Cheikh Al-Di Abd al-Bukhari, hafidhullah, hada al-had, a'ni fi ta'rif al-taqwa, wa bayan haqiqati al-taqwa, au hadi al-taqwa, qala fihi l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, fi kitabih al-risala al-tabukiyya, qala hada al-had. أحسن ما قيل في حد التقوى ولا ينبئك مثل خبير أقول ولا ينبئك مثل خبير كالإمام القيم رحمه الله العارف الخريت رحمة الله عليه وصفها بهذا الوصف الجامع أحسن ما قيل. العبارات في حد التقوى عديدة إلا أن هذا أحسن تلك العبارات. Cette définition de la piété et cette mise en évidence de la réalité de la piété, l'imam al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à son sujet dans son livre Ar-Risala al-Tabukiyya, cette définition est la meilleure qui était donnée à la piété. C'est qui dit ça? Al-Qayyim rahimahullah. Regardez l'importance. C'est pourquoi Cheikh al-Bukhari, vous savez, les ulama, ils ont du ilm. Hein? Et donc quand il parle avec ilm. C'est pas pour rien qu'un alim choisit un sujet, qu'il choisit une définition par rapport à ce sujet, etc. D'accord? Et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. J'ai dit, Cheikh al-Bukhari, et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé, comme Ibn Qayyim, le connaisseur expérimenté, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on s'arrête là-dessus. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.